histoire que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter est la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions. Les textes illustres du Moyen-Âge. Les Américains ayant présenté à leur manière Jeanne d'Arc à l'écran, nous allons présenter de la même manière, mais à l'antenne, une vieille légende française. Les productions KKO présentent Mr. Roland Blows His Horn. Monsieur Roland joue les cordes. D'après le best-seller français du 11e siècle, La Chanson de Roland. Adaptation américaine, Eric von Stroheim. Conseiller historique français, Charles Boyer. Notre conseiller historique cette semaine, bonjour Charles Boyer, pardon, bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Ce sera donc Michel Pastoureau, une série jusqu'au dernier jour de cette année 2017. Conseiller historique, non, mieux encore, sur le sujet des maîtres de livres du Moyen-Âge, des textes les plus illustres, ce sera un maître S.A.R., un guide sur les routes où les jongleurs nous attendent pour réciter leurs strophes, un poisson pilote qui nous fera distinguer les sources des grands textes du lit des fleuves où il se glisse un jongleur qui attirera les voyageurs par ses récits. Il y aura des batailles si merveilleuses et si puissantes que rien de si fort ne fut avant ni depuis. Michel Pastoureau comptera aussi les ruses de renards qui n'ont pas besoin d'autres armes que celles de l'intelligence. Il y aura des bêtes rêvées et d'autres réelles et encore des animaux au statut indéterminé comme la licorne, à moins que ce ne soit l'unicorne. Il y aura dans les chansons de gestes des héros tout d'une pièce et d'autres dans les légendes arthuriennes qui seront plus subtiles. Dieu sera avec eux ou aussi bien les laissera crier en vain dans le désert. Et premier aujourd'hui dans l'ordre d'apparition, Roland. S'il a jamais existé, il aurait 1000 ans et davantage. Mais rien n'a pu tuer le Roland de la chanson et de la mémoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Alors Michel Pastoureau, quand je vous ai proposé cette série, vous n'avez pas su dire non. Oui, je ne sais jamais dire non. Et vous avez dit oui et non dans la même phrase déjà. J'ai dit peut-être, ça a été compris comme oui. Mais au fond, vous n'avez jamais écrit, par exemple sur la chanson de geste et la chanson de Roland. C'est peut-être d'ailleurs au fond ce qui vous a attiré, la possibilité enfin de pouvoir faire des figures libres. Oui, c'est vrai, je suis plus à l'aise avec les romans de chevalerie, spécialement les romans arthuriens, et sur la chanson de geste, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, mais je n'ai jamais vraiment rien écrit de première main en tout cas, donc je suis tout à fait heureux de pouvoir en plaire à ce micro. Et vous pensez que vous allez, tel l'ours, jeter des pavés dans la mare ? Je ne crois pas, j'ai quelques idées, bien sûr, surtout que les chansons de gestes ont suscité de nombreuses controverses, des hésitations, des théories qui s'opposent assez fortement, donc je donnerai mon point de vue. Charlie, l'empereur à la barbe fleurie par la Bed Flowers Company Limited, fait ses adieux au pré. Adieu les enfants, et prenez garde, la région est malsaine. Je n'aimerais pas qu'il vous arrive malheur. Ne craignez rien, Charlie, nous sommes lépreux, personne n'osera nous toucher. Au revoir, Roland. Tu sais que j'aimais bien ton père. Sois prudent, et si tu as besoin de moi, donne du corps. Hein, petit? Compris, oncle Charles. Adieu. Vous venez, Gunland? Je vous rejoindrai, Charlie, juste un coup de fil à donner. À tout de suite, bien. En route, Michel Pastoureau, pour la chanson de Roland et les chansons de gestes. La chanson de Roland n'est qu'une d'une flottille. Oui, c'est la plus célèbre, peut-être la plus ancienne, on hésite un peu sur sa date de composition, le manuscrit le plus ancien lui-même est difficile à dater, vers 1100, vers 1120, vers 1140, on hésite, mais après la chanson de Roland, en effet, il y a de nombreuses chansons de gestes dans le même genre, ou bien mises en prose à la fin du Moyen-Âge. Les aspects techniques et littéraires varient d'une chanson à l'autre, mais à chaque fois, on a un peu quand même le même genre littéraire, un poème épique qui raconte les exploits d'un personnage que la légende a en général emprunté à l'histoire. Le tout étant versifié, du moins pour les plus anciennes chansons de gestes, et les vers étant regroupés en laisse, un ensemble d'un nombre de vers assez variable. Des strophes. Des strophes parfois plus longues que des strophes ordinaires, construites autour soit d'une assonance, c'est-à-dire la répétition d'une voyelle dans le même vers ou d'un vers à l'autre, soit tout simplement rimée. Mais est-ce que le début de la laisse, il faut le dire comme la fin de la laisse ou sur un autre ton que le milieu de la laisse ? Oui, il y a une déclamation, il y a une oralité que l'on sent derrière chaque fois qu'on lit l'édition d'une chanson de geste. On sent le jongleur qui récite. Est-ce que le jongleur a écrit lui-même ce qu'il nous raconte ? Non, bien sûr. Mais je vous sens un peu inquiet, vous jetez des coups d'œil. Vous pensez que je vais vous demander de tenter une récitation avec des tonalités différentes ? Non, j'en suis tout à fait incapable. Surtout que la prononciation de l'ancien français pose problème. Nous essayons de la reconstituer. En plus, les dialectes sont assez nombreux. Nous ne savons pas comment prononcer vraiment exemple. À la fin du 11e, au début du 12e siècle. Exemple, les diphtongues, les consonnes doubles, les R, les CH. Précisément. Ça pose problème. Est-ce que CH se prononce CH ? Est-ce que CH se prononce que, selon qu'on est en Picard, en Anglo-Normand, en Champenois, bon, ça pose beaucoup de problèmes. Un passage au moment où Roland vient de sonner du cor pour appeler Charlemagne. Le contrôlant, à grand effort, à grand haon, très douloureusement sonne son olifant. Par sa bouche, le sang jaillit. Sa tempe se rompt. La voix de son corps se répand au loin. Charles l'entend, au passage des ports. Le duc Nem écoute, les Francs écoutent. Le roi dit, c'est le corps de Roland. Il n'en sonnerait pas s'il ne livrait pas une bataille. Mais Ganelon répond, il n'y a pas de bataille. Vous êtes vieux, votre chef est blanc et fleuri. Par de telles paroles, vous vous semblez à un enfant. Vous connaissez bien le grand orgueil de Roland. Ces merveilles que Dieu si longtemps l'ait endurées. Pour un seul lièvre, il va tout un jour sonnant du cor. Aujourd'hui, c'est quelque jeu qu'il fait devant ses pairs. Qui donc, sous le ciel, oserait lui livrer bataille ? Chevauchez donc avant. Pourquoi vous arrêter ? La terre de nos aïeux est encore loin devant nous. Une traduction de Joseph Bédier, 1921. Alors, le problème numéro un pour la chanson de Roland à laquelle nous allons venir, c'est de savoir si ce manuscrit dont vous allez nous dire où il a été trouvé, qu'on peut dater à peu près précisément, est l'œuvre d'un auteur, ou bien est-ce que c'est la cristallisation d'une foule de cantilènes qui viendraient du fond des âges et qui exprimeraient, allez, osons le mot, un génie populaire. Voilà, c'est l'expression qu'on a employée parfois au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Le manuscrit principal et le plus ancien de la chanson de Roland est conservé à Oxford, à la bibliothèque Bodleian. Il a été découvert, entre guillemets, en 1834-35, et fait l'objet des 37 d'une édition relativement savante pour l'époque. C'est un manuscrit relativement correct, en anglo-normand, assez bien transcrit du point de vue paléographique, qu'on peut dater donc des années 1110, 1120, 1130, on en a discuté, certains même le datent des années 1100. Mais le dernier vers conservé si fait le geste que Turold déclina. Enfin, je le prononce mal, mais... Oui, le texte original dit « Turoldus déclinet ». Et ce Turold a laissé beaucoup de traces dans la littérature. C'est un nom extrêmement fréquent. On en trouve d'autres dans la littérature, on en trouve d'autres dans l'histoire, des évêques, des clercs, spécialement en Normandie et dans l'Angleterre normande, après la conquête. Donc des hypothèses extrêmement fragiles pour savoir qui était ce Turold, d'autant que on raconte que lors de la bataille d'Hastings, il y avait déjà un Turold qui chantait la chanson de Roland pour encourager les Normands contre les Saxons. Alors vous voyez que la chanson de Roland, elle peut remonter à des temps immémoriaux. Et pourquoi ne daterait-elle pas de l'époque de Charlemagne ? qu'elle raconte. Il y aurait comme ça des strophes qui auraient jailli, qui auraient été recousues. Oui. Durald, c'est peut-être quelqu'un qui recoue. C'est possible. En tout cas, elle raconte des événements qui se passent historiquement en 778. Et la première trace écrite, donc, date des années 1100 ou du début du 12e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates? Est-ce qu'il y a d'autres textes écrits que nous n'avons pas perdus ou que nous ne savons pas reconnaître comme tels? Est-ce qu'il y a de l'oralité qui s'est transmise, transformée, remaniée avant d'être mise par écrit? On en discute depuis les années 1840, avec beaucoup de polémiques, avec beaucoup de nationalisme, au fond. Oui, parce que la chanson de jazz dont on va parler, c'est l'épopée française. C'est l'épopée française, alors que Charlemagne est un personnage qui a régné à la fois sur ce qui est de rien plus tard l'Allemagne et la France. On le voit dans ses armoiries, d'ailleurs, quand on donne des armoiries à Charlemagne à partir du XIIIe siècle, il a une moitié de l'écu qui est l'aigle du Saint-Empire romain germanique et une moitié de l'écu qui sont les fleurs de lys des rois de France. Il va falloir nous habituer pendant cette semaine avec Michel Pastoureau, l'héraldique ne sera pas qu'une science auxiliaire de l'histoire. Le roi, l'empereur, Charlemagne donc. Le jour s'en va, la nuit s'est faite noire. Charles dort, l'empereur puissant. Il eut un songe. Il était au plus grand port de Cise. Entre ses poings, il tenait la lance de Fresnes. Galnon, le comte, la saisit. Si rudement il la secoue que vers le ciel envolent les éclisses. Charles dort, il ne s'éveille pas. Yvonne Gessler, avec une partition de Luigi della Piccola. Et à la baguette, pour toute la semaine, dans la marge de l'histoire, Michel Pastoureau. Quand nous étions gamins, vous avez été passionné par le Moyen-Âge d'emblée, mais est-ce que vous vous souvenez des cartes de géographie qui accompagnaient les éditions de la chanson de Roland, avec la frontière pyrénéenne, la localisation de Saragosse où était l'émir, la localisation du col où, dans son songe, Charlemagne apprend que son arrière-garde pourrait être prise par la traîtrise de Ganelon. Bien sûr, on est dans les Pyrénées, de part et d'autre des Pyrénées. L'Empire franc s'est étendu vers la péninsule ibérique. La ville de Saragosse est menacée par les troupes de Charlemagne et le roi sarrasin, le roi musulman, Marsile, tente de négocier, envoie une ambassade auprès de Charlemagne et qui demande une trêve ou une paix. Et en retour, Charlemagne, sur les conseils de son neveu Roland, envoie son beau-frère Ganelon, oncle de Roland, en ambassade assez dangereuse auprès de ce Marsile qui a la réputation d'un personnage sur lequel on ne peut pas se fier. Et c'est ce qui va se passer. Ganelon est extrêmement mécontent d'avoir été désigné pour l'ambassade et il va trahir Charlemagne et surtout son neveu Roland qu'il déteste et comploter avec Marsile pour que celui-ci fasse semblant de faire la paix et attaque l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne repartant vers le pays de France. Mais qui est le méchant? C'est le sarrasin ou c'est Ganelon? Quand on regarde attentivement les personnages de la chanson de Roland, pour trouver un qui ne soit pas méchant, c'est assez difficile. Il n'y a guère qu'Olivier et sa fiancée, la belle haute sœur de Roland, qui soient des personnages plutôt pris en bonne part, mais Roland lui-même est bouffi d'orgueil, et tout ce qui arrive est en partie par sa faute. Ganelon, qui au départ n'est pas si méchant que cela, et qui n'est pas un traître, le devient au cours du récit. Charlemagne lui-même est un personnage relativement ambigu, et puis les chefs sarrasins, d'abord Marsile, puis l'émir Baligan, venu de l'Orient, ne sont pas non plus à prendre en très bonne part. Donc... Mais est-ce que c'est une bataille du 8e siècle, ou c'est une bataille de l'époque de la lutte en Espagne entre chrétiens et sarrasins, beaucoup plus tard? Et est-ce que c'est une affaire de sarrasins, ou comme l'ont prétendu certains basques, une affaire de basques? Sont les basques qui se seraient interposés, nous raconte un curé de la Soule, qui pour l'anniversaire de 778 avait composé une pastorale sur le sujet. Voilà, oui, autrefois, on disait que c'était les sarrasins, les musulmans d'Espagne, c'est d'ailleurs ce que dit la chanson. Quand moi j'étais écolier puis étudiant, on a appris que, en fait, non, ce n'étaient pas des musulmans, mais des basques tenant les montagnes pyrénéennes qui avaient attaqué en 778 l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne. Et puis ainsi va l'historiographie qu'aujourd'hui on se dit, oui, finalement, c'était peut-être quand même bien les musulmans, jusqu'à ce qu'on convoque d'autres hypothèses dans les décennies qui vont venir. Le mot la païenneté, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'ensemble de ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire les païens, quels qu'ils soient, pour lesquels le christianisme médiéval a eu des attitudes qui ont varié au cours de l'histoire. Là, quand la chanson de Roland est mise par écrit, nous sommes en pleine période de la première croisade ou des lendemains de la première croisade, donc il y a vraiment une hostilité entre la chrétienté et l'islam, et une guerre pour reprendre les lieux saints, mais ça n'a pas toujours été comme ça tout au long du Moyen-Âge, il y a des périodes plus paisibles. La païenneté, ça englobe tous ceux qui ne sont pas chrétiens, dont les musulmans, mais il y en a d'autres. On va livrer contre eux une bataille, bataille terrible, les rivières seront rouges du sang des chrétiens. Aurait jamais vu, telle n'en fut cette bataille. Roland ! Roland ! Si, Roland ! J'ai vu les païens. Ils sont 100 000 et nos Français sont bien peu. Il y aura bataille ! Sonnez de votre camp, Roland. Charles l'entendra et l'armée reviendra. Ganelon a trahi. Mon ardeur s'en augmente. Les païens sont marqués par la mort. Ils n'en réchapperont pas. Les félons sont venus ici pour leur malheur. Ils sont condamnés à périr. Je frapperai des Durandal que le roi me donna. Si je meurs, quiconque pourra dire qu'elle appartient à un vaillant chevalier. Ici, nous recevons le martyr. Et je sais bien maintenant que nous n'avons plus guère à vivre. Prenez nos lolifants ! Les Français l'entendront et viendront venger notre mort ! La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Un peu de calme après la bataille terrible, Michel Pastoureau nous parle de la chanson de Roland et des chansons de gestes. C'est la première émission de la série de cette fin d'année 2017. On aura reconnu, Michel Pastoureau, le film de Cassanti, avec notamment la voix de Klaus Kinski. Alors parlons de Roland. Le héros, bouffi d'orgueil. C'est bien d'ailleurs la preuve que l'origine n'est pas si populaire qu'on le croit, parce que les vertus du martyr, de l'orgueil, ne courent pas les rues et les places populaires. Ce sont des valeurs des cours, des chevaliers. Moi, je suis de ceux qui pensent que, en amont de la chanson de Roland, il n'y a pas tant d'oralité que cela, mais plutôt des textes, des avant-textes, des textes savants, de la littérature latine. Je crois pas beaucoup au génie populaire, ni même pas tellement au récit des jongleurs sur les routes de pèlerinage, chantant pour les pèlerins les exploits des compagnons de Charlemagne, et notamment de ce Roland, qui est un personnage un peu tout d'une pièce. C'est d'ailleurs le propre des chansons de geste de mettre en scène des personnages peu nuancés par rapport au roman de chevalerie, où au contraire, tous les personnages, y compris les personnages secondaires, sont extrêmement nuancés, d'une très grande subtilité. C'est une des différences principales entre la chanson de geste et le roman de chevalerie. C'est une question d'honneur, au fond, qui préoccupe d'abord l'orgueilleux Roland. Le point d'honneur, l'honneur. Oui, alors que Olivier a attiré son attention sur le nombre des Sarrasins qui les entourent et comment la défaite est absolument inévitable, il l'invite à sonner du cor et par orgueil, Roland, pendant assez longtemps, ne veut pas sonner parce que ce serait un déshonneur. Il veut remporter la victoire tout seul, sans l'aide de Charlemagne et de son armée. Alors, il crie dans le désert. Où est Dieu, Michel Pastoureau, dans tout ça ? Dieu n'est pas tellement présent pendant tout le début de la chanson, puis finit par envoyer ses anges qui vont intervenir, d'abord pour emporter l'âme de Roland au ciel, ensuite, quand Charlemagne va revenir et s'attaquer à l'armée sarrasine, prolonger la durée du jour pour que l'armée de Charlemagne puisse remporter la victoire. Donc il y a une intervention divine quand même. On sent bien qu'il y a dans la chanson de Roland le mélange de différentes traditions antérieures, certaines totalement laïques et d'autres assez fortement religieuses, avec un peu de surnaturel, même ici ou là. L'intervention de l'ange, par exemple. L'intervention divine, l'intervention de l'ange, bien sûr, ce sont des textes composites quant à leur genèse et leur savant texte, il ne peut pas en être autrement. Quand même, la défaite rend chrétien. La défaite rend chrétien. En outre, Charlemagne oblige un certain nombre de survivants musulmans vaincus à se convertir. Nous sommes à l'époque carolingienne pour les événements historiques, c'est-à-dire dans une période où la chrétienté franque est encore conquérante et cherche à convertir aussi bien vers le sud que vers l'est et vers le nord des peuples qui sont soit encore païens, soit qui ont une autre religion, notamment l'islam. Ce Charlemagne-là, c'est celui qui appelle à la croisade constamment. Oui, d'ailleurs, à la fin de la chanson de Roland, il y a une ouverture vers la suite. Après avoir vaincu Marsile, Balagan, les Sarrasins d'Espagne, Charlemagne est appelé contre d'autres ennemis païens et entreprend une nouvelle croisade dans une autre direction, vers le siège de Narbonne, par exemple, tenu par d'autres Sarrasins. C'est un Charlemagne qui n'est pas encore empereur, hein, dans la chanson de geste, la chanson de Roland. Il n'est que roi. Plus tard, il va vieillir, il sera couronné en l'an 800, comme on sait, empereur à Rome, et certaines chansons de geste tardives le mettent en scène alors qu'il est empereur, et donc c'est un très vieux Charlemagne qui a du mal parfois à se faire respecter, son autorité est contestée, bafouée, ses barons se révoltent, sa parenté également. Bref, c'est un autre personnage que mettent en scène des chansons de geste plus tardives. Si Roland a survécu quand même longtemps, rebondit souvent dans l'histoire. Est-ce que c'est à cause de la langue ? C'est dit Frédéric Boyer qui a tenté une traduction, rappelé Roland, aux éditions Paul, comme une viande vivante, vivante des morts qui les ont précédés, une langue faite d'inconnus, de promesses, avec des mots lointains et des figures nouvelles. C'est une langue d'avenir. C'est pas de l'ancien français, c'est une langue d'avenir. Oui, on peut le penser comme cela. Dans le manuscrit d'Oxford, la langue, c'est l'anglo-normand. Un anglo-normand très beau et très classique pour le début du XIIe siècle. Si on le lit à haute voix aujourd'hui, ça n'est pas trop difficile de comprendre. Il faut lire à haute voix les textes en anglo-normand, en ancien français. Quand on a des vers, C'est plus facile que quand on a de la prose, et cette langue qui résonne dès le XIIe siècle résonne encore en nous, et en effet, elle est porteuse d'un certain avenir, avec des mots très forts, une musique du vers. On a une certaine modernité. C'est ce qui me fait penser qu'il s'agit d'un travail savant et pas du tout de génie populaire et de création collective. Je pense qu'il y a derrière un auteur ou un ensemble d'auteurs, et que dans la version oxonienne qui nous est parvenue, nous avons de la littérature cléricale, savante, voire hyper savante. Un français de chrysalide dans laquelle la vieille chenille latine se mue en papillon doré. Ça, c'est Frédéric Boyer qui dit ça. Il y a une deuxième époque aussi dans la chanson de Roland, et puis les chansons de Geste vont bien au-delà du terminus du récit de la chanson de Roland. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez ce que c'est que cet arbre, qu'est-ce que c'est que cette arborescence des chansons de Geste, si c'est possible. Elles s'organisent en plusieurs cycles, mais si on prend le cycle du roi, le cycle de Charlemagne. Oui, elle s'organise en différents cycles. Le cycle de Charlemagne, le cycle de Guillaume d'Orange, un personnage historique devenu personnage légendaire. Un troisième cycle, c'est celui des barons de l'époque de Charlemagne et de son fils Louis le Pieux. Baron en général révolté contre le pouvoir royal ou impérial. Et puis un cycle dit de la croisade. Chaque cycle rassemble des textes un peu hétérogènes. Et pourtant, ce regroupement en cycles a déjà été fait au début du XIIIe siècle et s'est conservé jusque dans nos manuels pour collégiens et étudiants. Donc, ce qui est frappant, c'est que les chansons de geste les plus anciennes sont antérieures aux romans de chevalerie classiques qui apparaissent plutôt dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Elles continuent leur histoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, donc il y a une période assez longue où on a à la fois des chansons de geste et des romans de chevalerie. La prolifération des chansons de geste, arbre, arborescence, permet des greffes de pathétique populaire avec notamment une augmentation de la vie, de la durée de vie de Charlemagne qui va atteindre 200 ans, continuer à se battre en étant tiré dans un char. Encore que, parfois, c'est le cas chez Turold, le roi demande grâce, il est couché dans sa chambre voûtée, il ne veut pas continuer le combat. Ce n'est pas toujours le cas. Votre illustre prédécesseur, professeur de littérature médiévale à la Sorbonne, Pierre le Gentil. Hanté de souvenirs poignants, las de la tâche qu'il assume depuis tant d'années, toujours victorieux mais de plus en plus seul, le vieux combattant aspire à la paix et au sommeil de la terre. Mais Dieu, plus que jamais exigeant, lui rappelle sa mission qui ne souffre ni trêve ni répit. « Que peineuse est ma vie, s'écrie-t-il, quand l'ange Gabriel lui annonce une nouvelle croisade. Cette fois encore, il s'incline et l'exemple qu'il offre résume l'austère leçon que donne au poème son unité et sa force. Dieu appelle les hommes à participer à une lutte toujours renaissante. Il exige d'eux qu'ils se sacrifient, sans compter pour le triomphe de la vraie foi. De ceux dont il fait ses élus, il espère mieux que le simple accomplissement du devoir. Demain, ce sera Michel Pastoureau, le deuxième épisode que nous consacrerons à la légende arthurienne. Vous avez déjà dit que les héros de la légende arthurienne étaient plus subtils que ceux de la chanson de geste. La légende arthurienne a bien d'autres caractéristiques encore. Lorsque l'on interroge des documents, des témoignages sur la réception des grands textes littéraires du Moyen-Âge au Moyen-Âge même, pour un témoignage sur la diffusion d'une chanson de geste, même la chanson de Roland, on en a 100 pour la diffusion d'un roman arthurien. Le déséquilibre est considérable, alors que dans nos manuels pour étudiants, les auteurs s'efforcent de consacrer le même nombre de pages aux chansons de geste et aux romans arthuriens. Ça n'est pas vrai du point de vue historique. Merci à vous, Michel Pastoureau. L'émission était préparée par Martin Sellier avec à la réalisation Stéphane Ronxin et à la technique Maxime Ingrand.